14h30, observation, le temps qui passe, le temps passé, l'imparfait de l'indicatif. Présent. Maintenant, Robert est grand. Il a 21 ans. Il passe ses vacances en France. Passé. Quand il était petit, quand il avait 7 ou 8 ans, il passait ses vacances aux Bermudes. Il était, il avait et il passait indique le passé. Ce sont des verbes à l'imparfait de l'indicatif.